Pinaudien, pinaudienne, ami du monde et d'ailleurs, bonjour, c'est Cargo Culte. Et nous voilà, en droite ligne en fait du Cargo Culte précédent. Alors petit rappel, j'espère que vous avez bien révisé. Au Campbell la semaine dernière, un disque absolument mythique et embryonnaire, parce que de ce disque-là vont germer des personnalités inouïes. Il s'agissait du groupe Palais Chambord, groupe allemand qui émerge en 1981, album absolument extraordinaire, il y en aura deux autres, mais c'est quand même le premier qui fera foi, et qui va compter en son sein, excusez du peu, une palanquée d'artistes absolument formidables. Bon, en premier lieu, Holger Riller, qui était le chanteur, mais en deuxième lieu, et principalement animé d'ailleurs et dirigé par Thomas Fellmann, artiste d'origine suisse, mais qui va très tôt attirer... le must de l'électro berlinoise dans les années qui viennent, et on arrive petit à petit au sujet de l'émission, croyez-moi. FM Heite, il faut le signaler aussi, ça va être le batteur tutélaire, le percussionniste de Heinz Schulzen de Nowbotten, et en primo bidouilleur un petit peu jeunot qui va lui rejoindre le groupe sur la fin, mais quand même avec à propos et opiniâtreté, Maurice van Oswald. Ça y est, on y est, on est au cœur du truc, parce que c'est lui dont on va parler, alors lui et pas seulement. Et camper la mythologie, elle toute seule, de Basic Channel. Ah oui, alors excusez du peu, parce que ce disque, c'est... Vous allez voir. Alors, ceux qui connaissent pas, vous allez voir, c'est la claque. Ma rencontre avec ce disque est tellement belle, je la raconterai probablement à un moment, au fur et à mesure de cette émission, ça vaut trop le coup, j'ai envie de dire. Donc, je vous le dis, on est en droite ligne de cette amorce de la Neue Deutsche Welle allemande, mais qui, finalement... va réellement prendre corps et sens, une décennie suivante, et là, il n'y a plus question d'être dans la Neue Deutsche Welle ou quoi que ce soit, on est dans les années techno, quoi. Et l'Allemagne, mieux que n'importe quelle autre place européenne, va être une réponse absolument sublime et créer un dialogue constant avec la techno native de Détroit, spécialement l'axe Détroit-Berlin, Berlin-Détroit, quoi. Et dans cette impulsion-là, un duo va s'imposer. En fait, c'est pas le mot du tout, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une aura de mystère autour de ce qu'on sait même pas être un duo à l'époque, et qui, de façon ultra cryptique, va laisser, à partir de 1993, sur son propre label, des productions éponymes Basic Channel. Chaque disque de Basic Channel est une... c'est le complexe du journaliste, si vous voulez. Si vous cherchez une info, il n'y en a pas. Si vous cherchez une référence, il n'y en a pas. Si vous cherchez à lire éventuellement un truc écrit sur la pochette, il peut y avoir un truc, un petit indice et demi. Vous savez, le fin du fin, c'est que le disque que j'ai campé aujourd'hui, Basic Channel, BCD. C'est-à-dire quand Basic Channel se décide à faire un CD, un vrai album, il l'appelle BCD. Et en guise d'information, vous avez une pochette totalement illisible et qui ne devient lisible que si vous la posez devant un miroir. Et là, vous allez un tout petit peu distinguer une typographie vaguement brouillonne, un petit peu effacée, qui, quand bien même vous la lirez, finalement, va renvoyer à quelques titres, alors qu'ils sont plus ou moins connus. Parce qu'effectivement, l'album dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est finalement une compilation. Et ça, dans la techno, c'est presque le standard. On a des maxis qui sortent, et puis après, des édits de ces maxis sur un CD. De ce côté-là, Basic Channel va être totalement dans le ton de ce qui se fait. Alors disons tout de suite de quoi il s'agit, Basic Channel. Maurice van Oswald, oui. Et vous savez, comme je le dis, à l'époque, on suppute que c'est bien Maurice van Oswald qui est à la tête de ce truc-là, et on suppute mieux encore qu'il y a un duo derrière l'affaire. Alors maintenant, tous ces secrets, finalement, n'en sont plus. Internet est passé par là et les informations sont là qui mieux. Mais à l'époque, il n'y en a pas. Il n'y a pas de photos de presse, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier de presse, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors du coup, il y a un culte. Et alors là, totalement naissant, quoi. Et on va comprendre comment va naître ce culte quand on va rentrer dans l'organisation même de Basic Channel. Parce que ce n'est pas un groupe, c'est une organisation qui détient tous les postes clés de production et de distribution de leurs disques. Alors, je m'explique. Donc, Magic Channel, c'est deux gars. Maurice Sandoval, certes, mais c'est aussi Marc Ernestus. Le duo se fait donc à Berlin. Maurice Sandoval, bidouilleur génial, excellent mixeur, et on le verra, même si on ne le sait pas encore, très très grand réalisateur qui va être notamment piloté et être l'ingénieur du son principal de la boîte de mastering, The Plate on Mastering. C'est situé à Berlin et le meilleur son du monde va se faire là. Donc on a affaire à des gens qui sont en fait extrêmement équipés. Attention, un studio de mastering, c'est très coûteux. Ça demande des compétences, ça c'est une évidence, mais ça demande quand même un matériel assez énorme. Ça demande des studios ultra équipés, ne serait-ce que pour avoir une acoustique assez formidable. Donc on ne fait pas du mastering en chambre. En tout cas, certainement pas au début des années 90. Marc Ernestus, qu'on connaît moins, est quand même le gars qui va ouvrir la meilleure, oui, je vais faire des jaloux, mais la meilleure boutique de disques du monde. La meilleure boutique de disques du monde, Hardwax à Berlin. C'est un épicentre, allez tout seul, Hardwax. Il y a pas mal de productions de labels, d'ailleurs, qui ne sont en vente que là. Et d'ailleurs, au strict début de Basic Channel, elles ne seront en vente que là. Alors, outre Basic Channel et ses communications ultra cryptiques, il va y avoir d'autres communications du même duo, sous le nom de M, la série M. Et finalement, c'est M qui va renseigner sur, et puis M, Maurizio, qui va renseigner sur l'origine de Maurice von Oswald et là donner des petites clés, un tantinet plus, moins cryptique que les autres. Tant et si bien que moi, jeune fan, mais peut-être un peu moins jeune que les jeunes fans, parce que comme j'avais connu le disque dont je vous parlais auparavant, donc je reviens en arrière un petit peu volontairement, sur Palais Chambourg. Et surtout, j'étais très fier de posséder ce disque qui fut le moins vendu de Mute Record, à savoir le deuxième album solo de Holger Hiller, chanteur droitement issu du groupe que je citais, mais dûment accompagné par Maurice Sandoval, et pour lequel le booklet intérieur présentait, de façon certes rikiki, mais néanmoins bel et bien présente, une photo en noir et blanc du dit Maurice Sandoval. Pouf, ça y est, c'est fait. Donc avec fierté et au cœur du magazine pour lequel je travaillais à l'époque avec une rédaction extrêmement formidable, j'ai nommé Coda Magazine, là, enfin, nous avions identifié l'élément central de Basic Channel et on avait même la possibilité d'iconographier le personnage, personnage qui ne voulait absolument pas être pris en photo, mais dont voilà, il y avait cette petite trace qui était là. Voilà le début d'une légende. Et ma foi, puisque je suis en train de raconter cette expérience, une vie passée de rédacteur en chef à Coda et avec ces disques qui nous arrivaient, on a la chance d'être quand même très connectés, spécialement avec l'Allemagne. EFA, distribution, EFA Record, nous envoyait une palanquée de disques absolument passionnants à ce moment-là. La distribution n'existe plus. Et au milieu de ces disques, une promo qui arrive, on est en 1995, et la promo, elle est dans un disque, c'est un CD qui est emballé dans un disque en carton, avec cette petite typo, mais un peu mal foutue, quoi, d'un noir mais clair, un peu rouge en fait, ocre. Alors voilà, imaginez un truc renéotypé sur un carton ocre. Il n'y a même pas une pochette de CD normale, hein, c'est pas... Donc le disque, il était tombé par terre au milieu d'autres, quoi, on n'avait pas fait gaffe. Puis moi, je reconnais le label, je reconnais le logo qui est reconnaissable. Je dis, mais attends, c'est Basic Channel, ça, c'est un truc. Et oui, ça y est, enfin, le CD de Basic Channel était arrivé, sans crier gare, sans promo, sans rien, juste balancé comme ça, de manière extrêmement confidentielle, parmi d'autres promos. Et sans même un texte d'accompagnement, il fallait se débrouiller. Il fallait opérer le disque. Ça changera après, il y aura une autre distribution un an après, mais au début, il y en a très peu, et on apprendra qu'il y en avait 500. Donc j'avais un des 500 qui m'était tombé dans la main, sans autre élément que ce que je pouvais distinguer. Et là, bingo, effectivement, il s'agissait bien des maxi de Basic Channel sortis auparavant, entre 1993 et 1995, et dûment compilés sur cet album. Mais là, très étrangement, le son est bizarre. Toute tout ce qui était très clairement fait avec des basses extrêmement rondes, poussées, des médiums quasiment en dessous, volontairement gommés et des aigus chachatoyants, et qui fondaient finalement le cœur de ce son-là berlinois, mais un son que pouvaient partager aussi d'autres gens, se retrouvaient voilés par un mix et un mastering aux antipodes de ce qu'on peut attendre d'un ingénieur du son scrupuleux. Entendez par là que le disque est complètement gonflé en souffle, à des modulations inconstantes, des compressions totalement vivantes, mais qui sont pas du tout dans l'orthodoxie de ce qui doit se faire en studio. Bref, un disque mal foutu, quasiment raté. Vous savez, ce genre de disque qui, exactement comme My Bloody Valentine avait sorti son deuxième album, Loveless, en 1991. Je connais quelques gens qui ont été chez le disquaire et dire « Mon disque a un défaut, est-ce que je peux, vous pouvez me le changer ?» Ben non, c'était pas du tout un défaut, c'était le son. Et de manière, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais cette référence à My Bloody Valentine, je pense que Maurice Van Oswald, lui de son côté, avec Mark Ernestus, a aussi volontairement brouillé les pistes, alors au sens propre comme figuré. Parce que vous allez voir, ce disque est rempli de brouillard. Et c'est là qu'il est génial. Retour encore à ma petite histoire de rédaction de Coda, où je m'empresse d'écouter ce disque, mais pas à Coda. À l'époque, je dors dans une piole perdue dans le nord de Paris, c'est grand comme une cellule, mais il y a quand même une chaîne avec deux belles enceintes et un lecteur de CD pour que j'écoute ça. Et là, la tête entre les deux enceintes, je fais tourner le CD toute la nuit. Le lendemain, je ne peux pas me passer de ce disque, le surlendemain non plus, je ne peux pas écouter autre chose que ce disque-là. Enflammement total, que je m'empresse de faire partager autour de moi, et puis enflammement... Partager ce disque est définitivement... Il y a un avant et un après de ce truc-là. Quoi. Et l'après va être fécond, mais alors de façon totalement incroyable. Et fécond, principalement, du fait des deux personnalités qu'il compose. Donc j'en reviens sur les deux personnages, Mark Ernestus et Maurice Van Oswald. Entendez bien que, en étant dans cette situation de parfait contrôle de la chaîne de production, le studio... Le mastering, le label, la distribution, le magasin de disques, et même le club Trésor, où Maurice Van Oswald lassera et Mark Ernestus au platine quelques CD mix absolument non identifiés, mais dont on saura par la suite que c'est effectivement bien eux qui sont derrière. Donc il manque rien. Alors à quoi bon mettre sa tête et vous donner des interviews dans ces cas-là, quand de toute façon, vous êtes entièrement responsable de la chaîne des productions. Les disques même, ils vont se vendre bien. Ils vont se vendre bien à échelle totalement DIY et autonome. Mais chaque disque de Basic Channel va quand même se balader dans le monde. Les DJ vont en raffoler. Et donc, c'est toujours au moins 2000 copies, 3000 copies, parfois 5000 copies sur des reissues qui vont sortir du truc. Donc, ce n'est pas du tout un label à la ramasse. Ça va être absolument ça va être, comme je le disais, très très fécond. Et ça va favoriser des liens avec d'autres destinations. J'ai dit Detroit, mais il y aura aussi Chicago pour d'autres issues. Bref, la tête chercheuse, la tête pensante et la tête connectée d'une techno européenne qui ne demande qu'à s'émanciper, mais véritablement. Et certes, le mot n'est pas lâché en 95, mais finalement, le style est là. Ce qu'on va appeler la dub techno. Parce que oui, évidemment, Maurice Van Oswald et sa clique sont fous de dub. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont découvert juste 2 ans avant. C'est-à-dire que même dans les années Palais-Schaumburg, en fait, chez eux et dans leur studio, c'était du dub qu'ils écoutaient. Et le dub, c'est peut-être... Avant la techno, la house et tous ses consorts, la seule musique qui permet une grande liberté avec le studio. C'est la seule musique qui permet de faire du studio un instrument. Alors, la seule, oui, certes, la musique concrète, il y a les musiques de laboratoire, les musiques de recherche, hein, telles qu'elles ont été inventées dès l'après-guerre, qui vont initier ça. Alors attention, c'est pas des studios de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas des trucs que vous mettez dans votre arrière-cour, comme l'avait fait King Tubby en Jamaïque, qui dans une cabane à bois avait installé son studio. Alors, Et de la cabane à la bois, ont émergé des trucs fabuleux. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est pas celle que je vais refaire ici. Je vais directement sur l'histoire de nos amis berlinois, quoi. Alors cette fameuse promo dont je parlais, elle va après se faire dans un disque, j'allais dire un vrai disque. Alors il est lui-même enfermé dans un disque, une boîte en métal. C'était des boîtes dangereuses, très belles, mais qui pouvaient casser les disques. Je suis sûr que certains ont fait l'expérience à l'époque. Et là, pour le peu, on avait un track listing qui s'affichait de plus clairement en typographie noire, mais toujours cette typographie volontairement brouillonne, mais qui avait toujours besoin d'un miroir pour être lu, donc à l'envers. Et en étant lu à l'envers, elle montrait l'endroit. Hein, vous me suivez. Et voilà que j'ai vu... Il n'y a pas si longtemps, une version, elle, avec la typo mise à l'endroit. Donc super, elle n'avait pas besoin de miroir. Alors c'est probablement une édition beaucoup plus tardive. Pour la petite histoire d'ailleurs, quand on met le disque, quand j'ai mis mon CD dans l'ordinateur afin que apporter tout ça, l'ordinateur, vous savez, il est très très malin l'ordinateur. Mais oui, mais il est très con aussi. Et il vous dit, voilà, disque de 2014. Ben oui, parce que la réédition, probablement la fameuse réédition en question, date de 2014. Voilà. Même Discogs arrive à se planter, en tout cas sur certaines références. Voilà. Mais la première, c'est bel et bien en 1995. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Voilà, parce que là, il faut arriver un petit peu au cœur du disque. Déjà, faites attention à la manière dont ce disque va commencer. Il commence en fait par un quasi-silence. Et il commence par un fade-in qui est finalement assez lent. Et puis très très progressivement, même quand on pense à s'installer dans le morceau, on se rend compte que le son est volontairement sous-modulé. Et il va y avoir un petit jeu de fréquences, hein, spécialement des basses chamallows qui comme ça vont rentrer-sortir jusqu'à devenir de plus en plus expressives. Et tout ça, en fait, sur un loop, donc une boucle... Hein, ça... Merci, je vous aide. Adapté d'un titre, un des maxi phares en fait, qui avait sorti précédemment, Basic Channel, qui s'appelait simplement Q. Voilà, puis il y avait Q1, Q2, et puis Q tout court. Et il y a le loop de Q qui est, lui, finalement, une boucle qui s'auto-génère avec un delay finement travaillé, enfin avec une alchimie, hein, parce que là, on est au cœur d'un doigté d'alchimiste comme il n'y en a absolument pas d'autre à l'époque, quoi. On est clairement dans un son en train de se faire, ce fameux son de la dub techno berlinoise, mais comme on dit, qui est pas genre, il n'y a pas de genre à ce moment-là. Hein. On aura tôt fait hein, de mettre une étiquette sur le truc, mais ce sera légèrement après, quoi. Et quant au reste, bah voilà, alors il y a des morceaux identifiés déjà, comme Quadrant, Radiance, Liot. Mais comme je vous dis, ces morceaux sont transfigurés, salis, dédouanés du dancefloor, absolument. Là où les versions originales, elles, pouvaient quand même encore l'habiter, même si c'était encore de façon relativement hantée, spectrale, quasiment. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là, le CD laisse entendre quelque chose de jamais fait, jamais entendu dans ce genre de choses. Donc oui, rentrer tout de suite là-dedans, c'est long, c'est lent, et c'est beau. Alors, quitte à parler de longueur, tiens, j'en profite dès maintenant. Il y a des dieux vaudous dans la radio, et spécialement à Pinode, qui, si vous savez leur parler, peuvent exaucer des désirs les plus fous. Le mien, car j'en ai un aujourd'hui. Ça va être de rallonger cette émission. Elle est programmée jusqu'à 12h30. Que nenni, ça n'est pas assez. Donc pitié, merci d'ajouter un programme, soit une demi-heure supplémentaire jusqu'à 13h s'il le faut, et peut-être mieux encore jusqu'à 14h. Car oui, aujourd'hui, je peux vous faire un programme de 3h en vous promettant une bonus track absolument incroyable, plus longue encore que l'album qu'on va écouter maintenant. L'album qu'on va écouter maintenant dans son entier dure 67 minutes, très exactement. Mais il y a beaucoup à dire, pas mal à entendre. Et comme le veut la tradition de cette émission, c'est-à-dire avoir une petite traque de sortie qui soit évidemment liée au contenu principal, bah là, la traque de sortie, c'est un monument, quelque chose d'aussi monumental que le premier disque qu'on va entendre là. Donc en espérant que les dieux vaudous soient avec moi, que ma prière soit exaucée et que je puisse être avec vous jusqu'à 15h, non pardon, jusqu'à 14h, mais c'est déjà beaucoup, ça fait une émission de 3h. Nous verrons ce qui se passe. Je lirai tout ça dans les commentaires que vous pouvez éventuellement lâcher sur Pinode et que j'ai m'empressé de lire. Bah juste après avoir lancé le début de ce disque. Un petit début, vous allez voir, j'insiste hein, sur ce côté. Bah ça commence par un silence. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. voilà, on commence, enfin ça finit un peu comme on a commencé ce disque, un fade out là pour le peu, très très discret, une volute toute mystérieuse et assez belle aussi. Ah bah Diable, merci d'être à l'écoute de Scargo Culte et donc spécialement de ce disque du jour. Basic Channel et leur simple CD intitulé BCD en 1995. Et merci pour vos commentaires qui sont alors très vivants et alors dont je me réjouis. Pourquoi ? Je vous ai prévenu hein, que le disque avait un son bizarre, entre guillemets, et qu'il y avait un souffle pas du tout dans les standards du mastering à l'époque. Et voilà qu'effectivement, ce disque est truffé de souffle apparemment incongru, d'aigu, finalement absolument aigu, de basse vrombissante, mais de médium complètement absent ou quasiment. Bref, un disque en apparence bancal. Et alors, vous vous êtes demandé pourquoi ? Belle question, Julie Hidasque. Oui, pourquoi vous y êtes trop d'aigu ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous avais prévenu. Ouais, pour la petite histoire. Et ça, je tiens cette anecdote de Saul Rousseau, Salvatore Rousseau, c'était le boss de BPM Records, shop qui avait quand même pignon sur rue à Bastille pour vendre tout ce qui était techno-électro à l'époque. Le CD, il l'avait eu quasiment en même temps que moi. Et les acheteurs du CD se sont plaints aussi, exactement de la même manière. Et certains, m'a dit Rousseau, avaient exigé d'être remboursés. Voilà, c'est culotté. Voilà. Et je vous dis, il y avait un disque auparavant qui avait créé peut-être à peu près le même forme de scandale sonore, c'était My Bloody Valentine, pour leur deuxième album, Loveless, qui est aussi une leçon de mixage, mais en même temps une non-orthodoxie dans la pratique du mixage et du mastering évidente. Alors chez My Bloody Valentine, ça a fait commentaire, parce qu'évidemment, l'audience de My Bloody Valentine était autrement plus conséquente, pour les mêmes, que celle de Morrison Oswald, qui de manière extrêmement discrète, volontairement discrète, voire recluse, produisait cette musique-là. Or, pour autant, elle va rayonner assez vite. Et du coup, s'attribuer, quand bien même c'est probablement pas Morrison Oswald ni son acolyte, hein, Mark Enerstus, qui leur ont inventé le nom, le patronyme de dub techno. Pourquoi pas ? Et j'ai envie de dire que c'est plutôt bien choisi, ce nom-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans tout le parcours de Morrison Oswald et de Mark Enerstus, avec Basic Channel, mais avec aussi d'autres alias, une pratique du reading, c'est-à-dire d'un motif, d'une bassline le plus souvent, qu'on va trouver dans un alias ou dans un autre. Et je vous l'ai dit, les alias vont se multiplier très très vite avec la pratique de ces deux compères. On leur doit notamment en parallèle le projet Basic Channel, mais aussi le projet Maurizio et la M-Series. Il y a nombreux emprunts de l'un à l'autre, avec un petit ping-pong permanent et un jeu de citations. Et en même temps, il ne s'agit pas d'un vulgaire copier-coller, puisqu'à chaque fois, il y a une adjonction de quelque chose ou le retrait de quelque chose. Et peut-être plus encore, cette pratique du mixage et du mastering, telle qu'elle va maintenant être officialisée dès 1995, à partir de 1995, et pour longtemps, avec la boîte de mastering, The Plate en mastering. The Plate en mastering existe encore. Hein. Maurice Sonova, il ne travaille plus. Mais enfin, il en a été le pilier, un des fondateurs. Et puis, c'est surtout celui qui a créé ce son-là avant de recueillir lui-même des opprobres et puis des disciples qui continuent à pousser le truc. Parmi les labels aussi qui vont être enfantés, parce qu'il y a des entités et des labels, les deux se confondant. Je viens de citer la série M, mais il y a un label que j'aime beaucoup et qui l'emprunte aussi justement à des readings, à des motifs de l'un et de l'autre, c'est Main Street. Main Street était clairement plus house, en fait, et faisait ce lien avec des artistes de Chicago. Il y avait notamment un remix passionnant, même deux, je crois, par l'équipe de Prescription Records, donc Ron Trent et Chasse Damier. Autre label passionnant, celui-là, et puis qui a prolongé encore plus après cet instinct dub reggae, c'est le label Rhythm and Sound. Des effluves de reggae futuriste absolument génial, dopés dans la reverb et le dub, et avec l'adjonction de chanteurs absolument passionnants. Des entités remarquables aussi, label le Chain Reaction. Alors Chain Reaction, c'est le label des amis. C'est-à-dire que là, ils vont accueillir d'autres zélateurs de son berlinois. Et c'est là qu'on va commencer à officialiser le terme dub techno. Genre, je pense à, comme ça, je dis site d'Envrac, Paul. Paul, donc oui, c'est du cru, Monolec. Monolec qui est à l'époque un duo. Monolec est clairement identifié aujourd'hui grâce à Robert Henke. Mais quand Monolec commence, c'est une petite histoire dans l'histoire, mais il faut s'en rappeler, c'est un duo. Et le comparse de Robert Henke s'appelle Gerhard Bagels. Et Gerhard Bagels va assez vite laisser tomber la musique, mais pour un projet peut-être encore plus génial, clairement ambitieux et qui va devenir industriel, c'est la création de Ableton Live. Autrement dit, un logiciel qui fait foi aujourd'hui. Dans la production musicale, dans la digital audio workstation, comme on dit. Ce qui est génial, si je joue cette parenthèse, pas par hasard, c'est qu'il est probablement, une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'un musicien, un producteur, s'empare du code, s'empare du logiciel pour créer durablement une entreprise, pour créer durablement un succès industriel comme les Live Ableton. Voilà, et c'est probablement pas la toute première fois, par contre, qu'un musicien s'emparait du coding pour bricoler des choses complètement géniales et intuitives, mais qui restaient plutôt dans le sérail du musicien ou de ses amis proches. Dans ce registre-là, il y en a pas mal. Outtaker, évidemment, Aphex Twin, enfin, cette clique-là. Mais eux n'ont pas créé une industrie au point que finalement, le duo Monolec s'est transformé en un solo de Robert Henke. Solo de Robert Henke qui, bon an, mal an, était devenu le démonstrateur officiel et le tout premier démonstrateur de ce logiciel assez génial et jamais vu, jamais entendu à l'époque, qui était Ableton Live, qui repose sur le principe d'un séquençage de boucles, finalement. La boucle, oui, on y est, on y revient, c'est un peu le maître mot de toute cette musique-là. Pour s'évader, j'ai demandé à ce que les grâces du web et de la radio m'offrent une heure et demie supplémentaire pour vous causer. Alors je vous rassure, c'est pas que pour vous causer. Je vais m'épuiser, moi aussi. C'est pour vous offrir une traque de fin qui dure quasiment une heure et demie. Elle remplit un CD complet, 75 minutes. Et on la doit à Morrison Oswald, pas seul. Mais alors on la doit à Morrison Oswald qui pour le peu va devenir visible, qui pour le peu va devenir identifié et être un identifiant lui-même, notamment grâce à l'entreprise Dubplate en mastering. Et qui va œuvrer sur le morceau que je vais vous faire entendre en tant que remixeur. Donc, il n'est pas producteur, il est encore moins compositeur, il est remixeur, et uniquement. Alors, attention, cet uniquement, c'est énorme. Et ça, c'est bien après donc, cette petite genèse, je dirais, de Basic Channel, c'est le projet mère, hein, de 93 à 95, et le CD qu'on écoutait, c'est 1995. Ça va ouvrir les portes. 5 ans après, alors c'est pas non plus très longtemps après, on est en 2000 tout poil, ou 2001, c'est 2000. Cet album, qui est en fait un double album, d'un certain TV Victor. C'est très sibyllin le nom de TV Victor. Il est, bon, bien sûr, c'est un pseudo, ça vous aurez compris. TV comme la télévision Victor. Bon, on sait que se cache derrière un producteur, finalement un aîné, un aïeul de tous ces gens de la techno-dub berlinoise et électro, qui s'appelle Udo Heidfeld. Et Udo Heidfeld est une entité, même un parrain hein, de toute cette scène, mais discret, depuis la deuxième partie des années 80, et spécialement à la fin des années 80. Il laisse quelques paritions, des maxis rares, 2 albums, mais bon, et encore sous des prête-noms là aussi, mais sans trouver hein, une résonance autre que finalement le sérail de quelques producteurs amis musiciens locaux. Et bien après avoir produit une série de morceaux, ce qui doit dater de la première partie des années 90, je crois qu'on est même exactement dans la même contemporanéité que les productions de Basic Channel, va sortir ce double CD qui offre justement à Morrison Oswald la possibilité de remixer un morceau. Un morceau, un seul. Et je vous le dis, sur la durée complète du CD, on est à 75 minutes. Et là, c'est un peu le croisement de toutes les intuitions, tous les procédés, la fausse facilité qui se dégage de la pratique de Morrison Oswald, qui se retrouve conjuguée sur un seul et même titre. Il est absolument incroyable. Il s'appelle Agai. Ne me demandez pas l'origine du nom Agai, c'est aussi elliptique que tout le reste de la carrière de ces gens-là. Mais par contre, lui, le morceau est complètement étonnant. C'est en soi une boucle. Mais c'est une boucle qui se répète jamais, j'oserais dire. C'est une boucle avec des ponctuations, des ellipses, des colonnes comme ça qui se dressent et qui vont poser une architecture très lente dans laquelle on se pose. Et on, je veux dire, pour l'auditeur, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un hamac sonore truffé de volutes comme ça, avec un jeu stéréo absolument inouï, des basses extrêmement sensuelles, lentes, groovy, dub, pour le peu, dub. Le musicien Mathias Delplanque, c'est un producteur français, qui était un fan absolu de ce disque, il avait délivré une chronique dans Musica Falsa, et je me rappelle qu'il la concluait par ce mot, en parlant de TV Victor, et donc du remix par Maurizio Nasval du morceau Agai, qu'on va écouter maintenant, qu'il s'agissait d'un subtil mélange d'inquiétude et de paix. Comme c'est joli. Merci Mathias, je ne saurais dire mieux. Et du coup, je propose qu'on s'évade avec ce morceau-là. J'ai conscience qu'il y avait encore beaucoup à dire. Et du coup, on pourra peut-être y revenir dans un prochain Cargo Culte hein, sur Maurizio Nasval. Je pense notamment à sa collaboration durable avec Thomas Fellman, qui est l'homme père et du projet mère Palais Chambourg. Ça, je l'évoquais la semaine dernière. Mais la tangente qu'ont pris ces deux musiciens ensemble ou séparément, c'est extrêmement intéressant. Et là, je n'ai pas évoqué le ensemble qui vaut le coup. Mais bon, promis, ce sera sur une prochaine fois, parce que si on rentre dans le sérail de dub techno berlinois et puis de l'équipe qui pouvait entourer la clique de dub plate en mastering, croyez-moi qu'on n'en a pas fini. Alors, on ne va pas y revenir dès maintenant, on laissera passer un petit peu de temps. Et ma foi, puisque le temps est notre allié aujourd'hui, bah justement, on va se quitter avec cette pièce qui va déformer le temps. J'insiste sur le fait que ces 75 minutes sont évidemment beaucoup trop courtes. Elles sont à tel point trop courtes que, là encore, et exactement comme le BCD de Basic Channel qu'on vient d'écouter, donc dans son entièreté, là encore, on commence par un fading. Et c'est génial, finalement. Ça sous-entend que ces 75 minutes ne sont que le bout de quelque chose, ne sont que soit la fin de quelque chose de plus grand, soit le début d'autre chose qui s'ouvre ailleurs. À vous de choisir où ça va. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui de ce Cargo Culte. À la semaine prochaine. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.